Troisième partie. Ici, on parle toutes les langues. Ici, on parle toutes les langues. Eh bien, il faut que vous ayez des quantités d'interprètes. Pourquoi? Votre pancarte dit qu'on parle toutes les langues chez vous. Non, non, je n'ai pas un seul interprète. Mais alors, qui est-ce qui parle toutes ces langues? Mes clients étrangers, naturellement.